Pourquoi les gens trouvent normal? Pourquoi les gens trouvent normal les sacrifices que l'on fait comme si on devait les aider sans réfléchir, sans se retourner? Alors bien sûr, ça leur fait mal si on arrête de les aider. Ils ne comprennent pas que l'on puisse ainsi avoir mal, qu'à notre tour, on puisse vouloir être aidé. Les gens ne pensent que dans un sens. Les gens ne pensent que dans leur sens. En fait, ne guériront jamais. On peut toujours aider quelqu'un en lui donnant à manger. Mais le problème vient le refrain. Comment fait-il le jour d'après? L'aider vraiment, ça serait bien. Faudrait-il lui apprendre? Serait mieux sur la durée. Mais les gens sont paresseux, n'aiment pas être vraiment aidés sur la durée. Ils ne comprendront jamais quelqu'un qui vienne ainsi les aider. Aujourd'hui, il faut jeûner, mais demain, tu récolteras ce que tu as semé. Mmh.